L'an 1244, Louis, attaqué d'une maladie violente, crut, dit-on, dans une léthargie, entendre une voix qui lui ordonnait de prendre la croix contre les infidèles. À peine put-il parler qu'il fit vœu de se croiser. La reine sa mère, la reine sa femme, son conseil, tout ce qui l'approchait, sentit le danger de ce vœu funeste. L'évêque de Paris même lui en représenta les dangereuses conséquences. Mais Louis regardait ce vœu comme un lien sacré qui n'était pas permis aux hommes de dénouer. Il prépara pendant 4 années cette expédition, jusqu'en 1248. Enfin, laissant à sa mère le gouvernement du royaume, il part avec sa femme et ses 3 frères, que suivent aussi leurs épouses. Presque toute la chevalerie de France l'accompagne. Il y eut dans l'armée près de 3 000 chevaliers, accompagnés des vassaux réunis sous leur bannière. Une partie de la flotte immense, qui portait tant de princes et de soldats, part de Marseille, l'autre d'Aigues-Mortes, qui n'est plus un port aujourd'hui.